T'aurais pu me demander. Tu en veux? Je vais dîner tôt, excuse-moi. Je t'en prie. Excellent. Hein? Tes haricots sont cuits à la perfection. Al dente. À la fin de ma consultation, une femme est entrée dans mon cabinet. Une paysanne assez forte dans les 50 ans. Alors j'ai commencé à l'examiner. C'est là que ça me prend, docteur, à gauche. Non? Oui, docteur, il paraîtrait que ça serait la rate. Ah, dans ce cas-là, si je puis me permettre, vous auriez intérêt à consulter un hématologue, madame. Moi, je ne suis que gynécologue, désolé. À part ce que vous ne faites pas la rate? Ah, non, madame, non. Non, je ne fais pas la rate. Elle n'est pas dans mes cordes, si j'ose dire. C'est vraiment le cas, j'ai encore le temps. Est-ce que je prends mon smoking? S'il y a une soirée, un peu de soin, là, pour la clôture du congrès. Mon intervention, je la ferai en gris. Avec une chemise bleue. Dans ces pays en voie de développement, ils sont particulièrement chatouilleux, question cravate. L'occidental se déguise en sauvage. Les gens du tiers-monde, en PDG. Mais qu'est-ce que tu as? Moi? Rien. Bon, j'apporte de la salade. Il n'y en a pas. Tu veux un fruit? Non, merci. Où sont-ils? J'en sais rien. Le Consuelo n'en a pas acheté? Hier, il restait que cette vieille pomme pourrie, il aurait pu acheter du raisin. Ils ont les moyens de nous payer un kilo de raisin. Non. Achète-le. Je rentre trop tard. On n'a qu'à rentrer plus tôt. Dis-le à mes malades. J'arrive jamais à quitter mon cabinet avant 8 heures. À quoi sert d'avoir une femme de ménage? Qui te dit que nous avons une femme de ménage? Ben, Consuelo, c'est pas une femme de ménage, Consuelo. Elle est partie, Consuelo. Elle est partie. Elle est partie où ça? À la Casa. Au Portugal? Pas en Nouvelle-Guinée. Et c'est pour ça que tu fais la tête? Malin. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Une sciatique? Un rhume? Une orchite double? Sa fille. Quoi, sa fille? La vésicule. Non, mais ça fatiguerait beaucoup de construire une vraie phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Ah, depuis une heure, j'ai droit au masque. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec ton émission? Pas du tout, pourquoi? Tu as terminé le Rembrandt? Oui. Tu as les dates de programmation? Non. Sublime. Ce qu'il y a de beau en art dans tous les arts, c'est le dépassement. C'est cher. Qu'il y a en elle de désespérer une mortelle. Cette interrogation, cet équilibre entre le spirituel et le... Le cul. Pardon? Le cul. Je vois pas le rapport. Moi, très bien. Et ne me regarde pas comme ça, tu m'énerves. Tu peux m'exaspérer quand tu prends ton air innocent. Je Pourquoi suis-je coupable? 4 coups de téléphone ce matin. Allô, je suis bien chez le docteur Forestier. Quand elle entend ma voix, elle raccroche. Tu trouves ça agréable, toi? Mais qui est-elle? Ah, ne me prends pas pour une imbécile, tu veux? Tu crois que je m'aperçois pas de tes manèges? Cette manie de faire la rue et que tu aperçois une paire de fesses à ton âge, ça devient grotesque. Je te remercie, ta délicatesse. Hier encore, avec cet ethnologue. C'est un canard? Oui. Moi, j'étais assis à côté d'elle à la table. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je crache à la piqûre. Et la malheureuse, à ta droite, elle a séché pendant 2 heures. C'est un idiote absolu. Comment le sais-tu? Tu ne m'as pas adressé la parole. Je connais même pas son nom à ton ethnologue. Eliane. Ben, la première nouvelle. Je te fais croire que elle l'a retenu ton nom. Je la vois d'ici se précipiter sur le bottin. Tu l'as pas quitté les yeux de la soirée. D'ailleurs, j'ai reconnu sa voix. Petite voix acidulée de fausse ingénue pervers. Et si j'étais une malade? Oh, une malade ne raccroche pas quand elle entend ma voix, non. Et dans la journée, tes malades appellent à ton cabinet, pas ici. Tiens, aide-moi. Oh, tu sais que t'es complètement folle, enfin, c'est tout, mais pas de ma faute. Si le téléphone ne marche pas, ça t'arrive jamais d'être coupé quand tu essaies d'obtenir un numéro. Pas 4 fois de suite. Ben justement. Pourquoi veux-tu que cette pauvre Eliane, puisque c'est son nom, appelle 4 fois de suite, raccroche 4 fois de suite en entendant ta voix? Pour m'emmerder. Elles adorent, mais je t'assure, c'est ce qu'elles préfèrent. Vous piquez à une autre, parfaitement. Et plus elles apprécient l'autre, moins elles font de manière. Alors là, je dois dire que tu me facilites singulièrement la tâche. Très drôle. Ciel, ma belle-mère. Oh. Bonjour, Jacques. J'avais peur de vous manquer. Je n'ai plus de souffle. Eh bien, assieds-toi. Je vous ai apporté le casque de Paul. Oh, quelle bonne idée. Il peut vous rendre service là-bas en AOF. Maman, ça fait 30 ans qu'on dit plus AOF, on dit Sénégal. Ah oui. Enfin, à Dakar. Vous allez avoir chaud. Vous êtes un amour d'y avoir pensé. Quelle allure. On dirait yacht. Hein. Tu veux boire quelque chose? Non, non, non, je te remercie, je ne fais que passer. Excusez-moi, je vais boucler ma valise. Crois-tu qu'ils dorment encore sous des moustiquaires? S'il y a encore des moustiques, certainement. N'oubliez pas d'emporter un parapluie, surtout. Vous croyez? Oui, oui, oui, en cette saison, vous risquez d'en avoir besoin. Demande-lui de te rapporter du tissu. Il y en a sur tous les marchés. Les femmes sont si belles enveloppées dans leurs boubous de toutes les couleurs. Vous avez pris votre quinine? Maman, il part moins d'une semaine. Vous n'avez pas besoin d'une semaine pour attraper le talus? Il y a combien d'heures de vol? Presque 6. Mon Dieu! De mon temps, nous embarquions à Marseille et le voyage durait plus de 8 jours. Il y a 45 ans. C'est vrai. J'aurais aimé y retourner encore une fois. Je vous envie. Vous avez vu mon ami Pelletier? Oui. Ma tension est un peu haute, paraît-il. Je dois surveiller mon alimentation et... bon, enfin, les tracas habituels. D'où vient-il ce rouge et magnifique? De Salonique. Je t'avais rapporté un foulard exactement de la même couleur. Tu l'as pas perdu? Non, non, non, non, non. Assieds-toi. Alors, une seconde. Je suis déjà affreusement en retard. Tu dis toujours ça. Mais je t'assure. J'avais promis à Antoinette de lui faire une petite visite. Je n'ai pas eu le temps. La cuisinière des blocs. Tu te souviens de ses tourtes aux poireaux? Oui. Elle est à Pantin, dans une maison de repos. Toute seule. Vous devez avoir quelques petites camarades. Oh, oh, je les vois d'ici, ces petites camarades, écroulées dans leur fauteuil, les mains sur les genoux, fixant un coin de la chambre, la bouche ouverte. Arrête, tu vas me donner des cauchemars. La vraie solitude. Plus jamais. Jusqu'à la fin. Tu as l'air soucieuse. Moi? Vous ne vous êtes pas disputés tous les deux. Mais pourquoi veux-tu? Alors, quand me faites-vous l'honneur de venir déjeuner à la maison? Tu trouves qu'on ne s'occupe pas assez de toi? Oh. Oh, mais si, ma chérie. Mais je suis seule, vous n'y pouvez rien. Toute seule. Oh, rassure-toi, mes journées sont pleines, mon carnet rempli. Écoute, tu exagères. Tu as une vie passionnante, tu as des enfants qui t'aiment, tu as largement de quoi vivre. Ta santé est plutôt bonne. Pourquoi tu me grondes? Tu parles de solitude. C'était à propos d'Antoinette. Oui. Quand tu parles d'Antoinette, tu parles de toi. Lorsque les gens deviennent vieux, on devrait les envoyer dans des régions lointaines. Et puis les laisser là, avec un peu de nourriture. Écoute, si tu ne passais pas ton temps à te lamenter... L'idéal, évidemment, ce serait des vieillards pleins d'entrain, enthousiasmés à l'idée des souffrances qui les attendent, de la maladie, de la mort. Tout le monde doit mourir. Oui, mais moi d'abord, c'est ça qui m'embête. Tu as trouvé quelqu'un? Quelqu'un? La portugaise n'est pas rentrée chez elle. Si, malheureusement. Enfin, je vais peut-être avoir des notes de téléphone à peu près normales. Dès que j'avais le dos tourné, elle se précipitait pour appeler sa fille à Porto. Oh. Tu ne l'accompagnes pas à l'aéroport. J'ai horreur des séparations. Alors faire une heure de trajet pour aller se dire au revoir un petit peu plus loin... Vous partez de Roissy? Oui. Vous pourriez me laisser à la porte de Clignancourt, cela m'arrangerait. D'accord, me raconterai ce que vous a dit Pelletier. Oui. Stéphane, tu viens dire au revoir. Tu envoies un télégramme quand tu es arrivé, tu ne l'oublies pas. Écoute, je reste 5 jours, tu t'en apercevras même pas. Pour toi, je te confie la maison pendant mon absence. N'inquiète pas, ta mère en rentrera trop tard. Laisse pas ta chambre dans le foutoir habituel. Tu donnes-lui un petit coup de main tant qu'elle n'a personne pour faire le ménage. Tu me passes ta bagnole? Pourquoi faire? Il y a du matériel à transporter. Les camarades ont pensé que tu pourrais nous dépanner. Vous me connaissez, tes camarades? Non. Mais ils savent que tu as une bagnole. J'aimerais mieux pas. Non. Pourquoi? La dernière fois que nous avons emprunté, tu as réussi à écoper 2 contredanses en une seule soirée. C'est un véritable tour de force. C'est pas moi qui conduisais. Parfait, mieux en mieux. Ça ne m'arrive. Elle est tout à fait délicieuse, ta petite camarade. Mais enfin, je vois aucune raison de payer ces contraventions. Je te rembourserai. La question est pas là. Elle a son permis, Anne-Marie. Je croyais qu'elle n'avait jamais réussi à passer le code. La 5e fois, si. Ah, bravo. Demain, c'est moi qui conduis. Bon, les clés sont dans le tiroir de mon bureau. Avec la carte grise. Merci. Allez, à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Je sais que tu es très occupé à refaire le monde, mais c'est quand même de venir m'embrasser de temps en temps. Sinon, tu risques de ne plus me retrouver quand tu l'auras construit. Ton paradis sur terre. Je te téléphone. Quand? Un de ces jours. Oh non, dis-moi que je sois là. Venez, Marthe, je vais finir par le rater. Allez, hein. Maman, dépêche-toi. Ah, tu m'as rapporté la biographie de Rembrandt. Je dois la rendre à la télé. Quelle horreur. J'ai complètement oublié. Je t'ai téléphoné exprès pour te le rappeler. Mais oui, je sais, je l'avais posé à côté mais de mon sac. Écoute, bah, c'est trop tard maintenant. Maman, au revoir. Tu pourrais être un peu plus aimable avec ta grand-mère. Si tu t'entendais. Quoi? Tu lui parles sur un ton. Je sais. Dès qu'elle est partie, j'ai envie de la rattraper, de recommencer, pour lui montrer comment ce serait si j'étais gentille. Chaque fois, c'est pareil. Je supporte pas de l'avoir changée. Je voudrais qu'elle soit éternelle. Il faudrait qu'elle dure autant que moi. Tu as entendu? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'en face. Cette lucarne, là, de l'autre côté de la cour. Je peux pas supporter quand elle parle de maladie, de vieillesse, de mort. Même en plaisantant. Tu sais quelque chose de Heim, toi? Tu étais bon en allemand, non? Henri Heim. La Laura Lai. Merci. On prépare une émission sur Heim et la France. C'est une femme. Quelqu'un de très bien. Qui? Heim. Ah! Un juif allemand, lui aussi. Un ami de Marx. Alors? Le prof nous avait fait apprendre un truc de lui en 3e. Vachement sentimental. C'était comment déjà, attends. Doch, liebe Mutter, offen will ich sagen... Ah oui, pour la fête des mères. On était allé dîner dans un restaurant hindou, je m'en souviens très bien, du riz au curry. J'ai été malade. Tu passes tous les jours devant la maison, il est mort, avenue Matignon. Il est mort à Paris. Mmh. Et il est resté paralysé pendant des années, la syphilis. Mmh. T'as de la veine quand même. T'es payé pour t'intéresser à des gens qui t'intéressent de toute façon. Mal payé. Pendant la guerre, avec des filles de ma classe, on demandait ses bouquins dans les librairies, exprès. Il était interdit. Oh. Je t'assure. La Lorelai était l'œuvre d'un poète inconnu. Nous étions très fiers de notre courage. Écoute. On t'occupe. Tu te souviens du petit bonhomme avec une moustache noire et un chapeau? Il le soulevait pour dire bonjour, il s'inclinait, ça nous faisait rire. Oui, et alors? Mais l'autre jour, j'apprends qu'il y a un appartement libre au rez-de-chaussée. Je demande à Madame Daniel. Le petit bonhomme s'était pendu. On l'a découvert au bout de 8 jours. Son frère, qui s'inquiétait de ne pas le voir. Il avait perdu son travail, il était séparé de sa femme, il a laissé un mot. Et personne ne l'a su dans l'immeuble? On a dû l'emmener à la sauvette. Les gens n'aiment pas beaucoup ce genre d'histoire dans leur maison. Une mort naturelle à la rigueur, mais... un pendu. Ben, si je lui avais parlé ce jour-là, si quelqu'un s'était occupé de ses affaires... Je vais aller la voir. T'as pas fait ta BA aujourd'hui? Je vais pas l'écouter pleurer toute la soirée. Comment fait-on pour aller chez elle? Non, mais t'y tiens vraiment? Absolument. Bon. Tu vois l'escalier au fond de la cour? Oui. Tu grimpes tout en haut. Il y a 5 étages sans ascenseur. Mmh. Tu prends le couloir à gauche et c'est la porte au fond. Les marchands usés, attention. Oh, comment le sais-tu? Bah, à force de jouer au ballon dans la cour avec Pierrot. Et puis, j'ai fait du porte-à-porte dans l'immeuble. C'est sombre. Eh oui. Fini les rampes de cuivre, les tapis rouges. Ici, les WC sont à l'étage et l'eau sur le palier. Rentre pas trop tard. Oh, j'ai 20 ans! Qu'est-ce que c'est? C'est la dame du troisième en face. Je vous entendais de chez moi, alors j'ai pensé que peut-être que je me suis permis de monter. Oh, il fallait pas. Ben, restez pas là. Entrez. Asseyez-vous. Attendez, attendez. Je vais débarrasser. J'ai pas le temps à manger. Ça passe pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben c'est cet hiver, quand il a neigé, ça l'a pris dans les poumons. Je le tarabustais, va donc voir le docteur. Mais lui, ça lui disait rien d'aller se montrer. Et puis, il voulait pas lâcher son travail. Je vous verse un petit verre de vin. Merci, non. Ça lui plaisait, lui, son travail. Il me disait toujours, ici, je suis peinard, je me réveillerai à la retraite. Il est bien avancé, maintenant. C'était quoi son travail? Les bureaux. On était dans les bureaux tous les deux. Lui sur les échelles à laver les carreaux et moi par terre à nettoyer. Il a pris froid forcément avec les fenêtres ouvertes et tout ça. On mangeait des pas d'heure quand on peut. Des fois la nuit. Vous buvez pas? Merci, non, j'ai pas soif. Oh, vous pouvez y aller, il vous fera pas de mal. C'est du Bellefontaine. Et puis quand il a été à l'hôpital pour les examens, ils n'ont pas voulu le laisser partir. Lui, il se faisait un sang d'encre. Comment tu vas te débrouiller, ma pauvre petite fille? Il criait des fois, mais il avait bon cœur. Il vous aimait bien, vous savez. Moi? Il me disait, elle n'est pas fière. Toujours le temps d'un sourire. Ah oui? Ben, il vous croisait sous la voûte des fois. Un rouquin. Grand, maigre, avec un œil pas tout à fait pareil. Attendez, je vais vous le montrer. regardez. Là, c'était l'année dernière, à Montmartre. Ah, oui. Et puis, on vous avait vu un jour à la télé. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Une émission sur les différents métiers de la télévision. Voilà. Oui, oui. Vous parlez bien. Tout à fait nature. Merci. C'est quoi, déjà, votre travail? Documentaliste. C'est lui qui avait voulu l'acheter, avec la couleur. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Le gérant, il va me mettre à la porte, c'est sûr. Pourquoi? Ben, c'était à son nom à lui. Il a 30 ans qu'il habitait là. Moi, je suis rien ici. C'est chez lui. On n'était pas mariés. C'est des choses qui arrivent, hein. Mais il y a longtemps que vous viviez ensemble. Oh là là, oui, dans les... On s'était rencontrés au café. Rue de Crimée. Hein? C'était plus grassouillette dans ce temps-là. On avait discuté un moment, comme ça, et puis... Mon Dieu. Et c'est lui qui est parti, maintenant. Où était-il? À quel hôpital? À Créteil. Pour ce qu'il avait, c'est le mieux, à ce qui paraît. Tous les jours, j'y étais. Une heure et demie pour aller, autant pour revenir. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ne savaient pas. D'abord, ils ont dit qu'il fallait ouvrir. Et puis, quand ils ont eu ouvert, ils ont dit que c'était plus la peine, que c'était trop tard. Oh, le pauvre, ça a dû être... Oh, il était dur. Il ne s'est jamais plaint. Non, c'était le souci, me savoir toute seule. Et puis son travail, ça, ça le tracassait. La dernière fois que je l'ai vu, il me le disait encore. On a même eu des mots. Mon Dieu, si j'avais su. Quand je suis arrivée, le lendemain, je vois le lit qui était vide. Je demande à une infirmière dans le couloir. Il n'est plus là, Emily. Il n'est plus là. Je ne comprenais pas. La veille encore, je lui avais apporté une bouteille de muscadet. Malgré que ça soit défendu. Mais je ne sais même pas s'il en a profité. Oui. Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on l'a emmené au cimetière. Il y a Madame Daniel qui est venue. Elle ne vous l'a pas dit? Il y avait aussi une belle couronne de la part des bureaux. Mais vous n'avez personne ici, pas de famille? Non, non. Je suis de l'Ardèche, moi. C'est beau, l'Ardèche. Vous trouvez? Nous, on ne se rend pas bien compte. Mais j'ai pas toujours été là-bas, non. Non, quand j'étais jeune, je faisais des saisons dans les hôtels. Hein? Du côté de Menton. Ouais. Hein? Il y avait des Anglais. Et puis l'été, je rentrais au village pour aider à la ferme. Oh ben, j'ai même reçu des cartes postales. Oui, mais regardez. Oh oui, cela, ils m'ont écrit plusieurs fois. Juste la signature parce qu'il ne parlait pas français. Ah, c'est ça, oui. Là aussi. Oui. C'est joli, hein? Très joli, oui. Oh, regardez le chat. Il fait miaou. Ah. C'est amusant. Ils aiment les bêtes, ces gens-là. Là, c'est mon frère, celui qui est mort. Elle n'est pas bonne, celle-là. Regardez. J'en ai pris deux en même temps. Vous voyez l'autocar, là, par en dessous? Ah, oui. Et puis, quand les parents sont tombés malades, ben, il a fallu que je revienne pour les soigner. Ils ne voulaient pas entendre parler de l'hôpital. Ça a duré longtemps? 2 ans. Oui. Quand ils ont eu été défunts, je suis restée seule au village. De ce temps-là, il y avait encore 20 feux. J'y suis retournée une fois. J'ai rien retrouvé. Les ruines de la maison. Ben, vous pouvez pas vivre sur les terres, là-bas. Quand on parle de misère maintenant, on sait pas ce que c'est. Autour de moi. On croirait, si vous voulez, mais ça fait 15 jours que j'ai pas le même mot et chaud, je fais seulement plus mon ménage, j'ai plus de goût à rien. Mon Dieu, est-ce que ma pauvre est envoyée? Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose. Je suis toute seule. Vous vous faites du mal à répéter sans arrêt que vous êtes toute seule. On était si bien tous les deux. On s'entendait si bien. Il aurait mieux valu que je parte avec lui. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez venir avec moi, d'accord? Comment ça, chez vous? Oui, ça vous changera les oh idées. Non, si, non, je vous invite à boire un verre. Non, ça ne voudra pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout, au contraire. Oh, vous croyez? J'en suis sûre. Ouais. Si ça peut vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir de vous voir un peu plus raisonnable. Je vais me rapproprier un peu. Non, c'est pas la peine. Ça fait 2 heures que je pleure dessus. Ah, ça c'est un cadeau de Léon. Il l'avait gagné à la foire. Diane? Ah oui? C'est bien possible. Ah ben non, faut pas que je ferme si mon pitou verra. Oh! Pauvre bête, il a rien eu à manger de la journée avec tout ça. Ah ben, je vais lui mettre mon reste de thon. Commencez à descendre, hein, oui. Je vous suis. Voilà. Regardez ma blouse. Oui, elle est jolie. Dites-nous où je l'ai trouvée. Je sais pas. Dans une poubelle. Oh. Parole. C'est pas croyable qu'ils peuvent jeter une machine à coudre un jour. Léon l'a ratistolée, elle était comme nous. On se figure fort. Hein. C'est joli. Oui, ils ont repeint l'escalier il y a 2 ans. Pas chez vous? Ben, je crois pas, non. Ça fait combien d'étages? 3. Nous 5. C'est le plafond qui doit être plus haut. Sans doute, oui. Entrez, entrez. Je regarde les livres. Vous les avez pas tous lus? Oh, il y a beaucoup d'images. N'empêche. Quel casse-tête. Oh là là. C'est notre salon, salle à manger, salle de travail et tout et tout. Chez nous aussi, si vous allez par là, mais quand même. Mettez-vous à votre aise. Je dois se balader sur les toits. Ah oui. J'aurais pas cru qu'on était si près. Chez nous, ça paraît moins. Tiens, j'ai oublié d'éteindre ma lampe, moi. Oh. Tant pis, hein, pour une fois. Qu'est-ce que je vous offre? Du whisky, d'Armagnac, un digestif? Vous n'avez pas quelque chose de doux? Ah, j'ai trouvé. De la cédratine. Une liqueur exquise, vous m'en direz des nouvelles. C'est bien arrangé, Guillaume. Et puis c'est pas pour dire, mais vous avez des belles choses. Ou un peu n'importe quoi. J'adore fouiner chez les brocanteurs. Vous aimez les plantes, vous? Ah, ça oui, j'ai une passion pour le feuillage. J'en ferai grimper partout sur les murs. Mais noyez pas un peu, là, hein? Ben, je les arrose. Eh, pas trop. Trop d'eau, ça leur vaut rien. Ah. Ah, elle a des drôles de feuilles, votre plante. Encore? Ça, c'est Stéphane, mon fils. Il a la manie de jeter des pots de bananes là pour... ça, là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est pour mon travail. Mon métier consiste à choisir des images, alors je les mets là pour les regarder. Faut que je les enlève, d'ailleurs, l'émission est finie. Qui c'est? Rembrandt? Hein? Un peintre. Oui, un autoportrait. Enfin, il s'est fait lui-même. On dirait mon père. Sauf que mon père, il serait pas sorti avec ça sur la tête. Même pour manger, il gardait son chapeau. Et ça? Ça, un ami m'a rapporté d'Afrique, c'est amusant, non? Deux boîtes de sardines, soudées ensemble. Ils ont ajouté un petit entonnoir, une mèche, on met de l'huile et ça éclaire. Une petite lampe. Ils sont malins, quand même. J'aurais pas cru. Venez vous asseoir. Non, là, c'est confortable. Oh. Si, si. Vous êtes gentille. À la vôtre. Comment vous appelez-vous? Marcel. Marcel Cordier. Ah. Mais vous pouvez m'appeler Marcel. Et vous? Vous vous appelez comment? Geneviève Forestier. À votre santé, Marcel. Dieu vous garde. C'est bon. Ah. Je n'avais jamais goûté. Hein. Même pas entendu parler. C'est très bon. Vous fumez? Pour une fois. Tenez. C'est pas des françaises. Ah non, je fume des blondes. Ça me rappelle la Côte d'Azur. Ils m'en offraient les Anglais des fois. Le soir, après le service. Oh, il y en avait un. Un grand. Oh, ce qu'il a pu me faire rire, cet homme-là. Il suivait sa femme comme son ombre. Dis donc. On aurait dit un cheval qu'on avait à la ferme. Vigoureux, il s'appelait. L'anglais? Oh non, le cheval! Ah. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, sa femme, il disait « Me too ». Me too, oh, ça m'est resté. Me too. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire au juste. Moi aussi. Ah, vous aussi? Ah, non. Ça veut dire moi aussi. Ah bon? Oui. Il n'est pas là, votre mari? Non, il participe à un congrès à Dakar. Il a l'air gentil, lui aussi. Vous le connaissez? Ben, comme vous. Je voudrais pas vous déranger, hein. Vous avez peut-être à faire. Non, non, je vous le dirai. Non. Oui, elle est fameuse, votre liqueur. Je regrette qu'une chose, c'est que mon Léon puisse pas y goûter. Pauvre Léon. Il serait si content de nous voir là, toutes les deux. C'est la fatigue. Comment ça, la fatigue? Mais il est mort de fatigue. Il n'a jamais arrêté. Les derniers temps, il n'arrivait plus à respirer. Il étouffait. La nuit, surtout. Il supportait pas d'être allongé. Des fois, je le retrouvais assis sur une chaise. Il attendait que le jour se lève. Quand je pense à lui, j'ai honte d'être là avec vous. Non. Non, écoutez-moi, Marcel. Vous voulez m'écouter. Vous avez été merveilleuse avec Léon. Vous l'avez soigné, vous l'avez aidé. Jusqu'au bout. Tout ce qu'il était possible de faire, vous l'avez fait. Maintenant, il faut que vous pensiez à vous. Hein? Essayez d'être courageuse. J'oserais tellement vous aider. Vous n'êtes pas seule, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Oh, vous êtes gentille. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Puis, vous allez reprendre votre travail. Oh, ben c'est déjà fait, pensez. Ben, il va même falloir que je me trouve autre chose. Autre chose? Ben, j'ai qu'un demi-service. Il m'avait engagé en remplacement. Et puis, ils m'ont gardé, mais j'ai qu'un demi-service. Avec ce qu'il gagnait Léon, ça allait, mais toute seule. Même les jeunes, ils trouvent pas de travail, alors vous pensez? J'ai une idée. Quoi ça? Venez travailler chez moi. Ici? Oui. Ma femme de ménage a dû rentrer au Portugal. Sa fille est tombée malade. Sa fille, oh... Je sais pas quand elle reviendra, je sais même pas si elle reviendra, alors. En attendant de trouver autre chose, ça pourrait vous dépanner. 4 heures l'après-midi, sauf le week-end, naturellement. Alors vous? Vous êtes vraiment tombée du ciel. Un ange du bon non, Dieu. Non, pas du tout. Je cherche une femme de ménage. Vous cherchez du travail. Si nous pouvons nous rendre service mutuellement. Vous pensez si ça me rend service? C'est provisoire. Vous le comprenez bien. Si Consuelo revient, oh, je ne peux pas la laisser bien tomber. Bien sûr. Hein? Je vous remercie hein, du fond du cœur. Attendez, nous sommes mardi. Bon, je vous laisse 3 jours pour vous retourner. Disons vendredi. Hein? Je vais vous donner la clé de l'appartement. Oh, ben, je peux sonner. Non, si nous ne sommes pas là. Et pour votre chambre, ne vous inquiétez pas, je téléphone au gérant. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse vous mettre à la porte. Vous croyez? Salut. Qu'est-ce que c'est que tout ce barda? Ah ben, j'ai un collage samedi matin. Ah, excuse-moi. Marcel, je vous présente Stéphane, mon fils. Ah, bonjour, madame. Je te présente Marcel, notre nouvelle soubrette. C'est plus joli, non? Y a quelqu'un? Ah, ben c'est pour tout ça, moi. Il faut que je trouve de quoi nettoyer. Ah. Oh là là, il manque de rien. C'est bien tenu. J'espère qu'ils ont un bon aspirateur. Tiens, c'est plus papa. Ah, c'est vous, vous auriez dû m'appeler. Ah, ben j'ai crié, mais ça répondait pas. Je vous fais la bise, hein. Oh. 3 fois, comme chez moi. Oh, ma pauvre, j'ai cru que j'arriverais jamais. Une de ces pagailles. 4 autobus à la file. Je me faisais des cheveux. C'est Madame Geneviève qui m'attend. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Comme vous dites. Alors, où c'est qu'ils sont, les balais? Ah, venez, je vais vous montrer. Ah. Voilà, là vous avez tout. Pour le nettoyage en grand, l'aspirateur, la cireuse électrique, les différents balais. Les produits ménagers sont rangés là, sur l'étagère. Hein? Alors, s'il manque quelque chose, vous me le dites. En règle générale, je fais une commande par semaine, mais il est possible que je vous demande de me faire une ou deux petites... Oh, ben moi, ça ne me dérange pas. J'essayerai de ne pas faire trop de bêtises, pas me tromper dans les chiffres. C'est sûr que vous vous débrouillerez très bien. Un télégramme. Merci. Oh là là, un télégramme. Ça me fait battre le cœur. Ah, mon mari rentre après-demain. Ah, bon. Parce que nous, les télégrammes, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Nous avons aussi un lave-vaisselle, les casseroles, je vous les laisse, naturellement. Vous ne mettez pas les couteaux, surtout, ni les couverts en argent, ça. Hein? On les fait à la main, comme dans le bon vieux temps. Parlez d'un bon vieux temps. Vous me montrerez, hein, pour la machine. Dans les hôtels, on faisait la plonge. J'en avais les mains toutes ridolées à force. Si j'avais autant de pièces de 10 francs que j'en ai lavé, des assiettes. Vous verrez, c'est enfantin, hein. Je prépare tout. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, là, pour voir. Ah, dérangez-vous pas. Allô? Ah, ben, attendez, attendez, c'est pour votre mari. Ah, merci. Tenez, jetez un coup d'œil à l'appartement par là. Par là? Je vous rejoins. Allô? Oui, mademoiselle? Le docteur Fourestier, de la part de qui? Eliane? Bertin? C'est quel sujet? Ah, c'est personnel. Une seconde, s'il vous plaît. Jacques, c'est pour toi. Quoi? Oh, bah écoute. Maintenant que j'ai dit que tu étais là. Bah, non, je peux pas dire que tu es dans ton bain à 3h de l'après-midi. Oh, est-ce que tu peux être à son moment? Allô, mademoiselle, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je n'arrive pas à le trouver. Non. J'étais sûre qu'il était là pourtant, mais il a disparu, je suis désolée. Ben oui. Mais je vous en prie. N'ayez aucune crainte, je lui ferai la commission. C'est ça. Je vous en prie. Au revoir. Salope. Ah ben, tiens, pendant que j'y pense, je vous apporte un petit cadeau. Oh, je suis trop gentille. Un souvenir de Léon. Voilà. Ça, il fallait pas. Mais je peux pas accepter, c'est Léon qui vous l'avait donné. Oh, alors là, vous me vexeriez, madame Geneviève. Je suis sûre que Léon serait content de l'avoir là, au milieu de toutes vos belles choses. Voilà. Ah, non, non, laissez. Bah, vous, non. Et qu'est-ce qu'elle a eu, la fille à Consuelo? Des calculs dans la vésicule biliaire. Pareil que moi. Ah, mais la pauvre, elle a pas dû rigoler. Et encore, moi, c'était que des petits cailloux, mais si c'était des gros, alors là, à la sienne. Oh, les douleurs. Je pouvais rien garder, même pas un verre d'eau. Vous auriez vu cette bile noire. Je vous en prie, c'est gentil. Ben, vous m'excuserez de parler de ça, mais c'est rapport à la fille à Consuelo. Quand je dors pas la nuit, je pense aux sarabandes que je lui faisais à mon Léon. Il pouvait pas guigner une fille, je lui sautais dessus. J'aurais mieux fait de lui foutre la paix. On peut quand même pas leur mettre un tablier. Un tablier? Eh ben oui, comme au bélier. On leur attachait sous le ventre avec une courroie un tablier en peau, fine et les brebis. Eh ben c'est pas tout ça, moi, parfois que je commence. Ah, ben, il n'y a pas 5 minutes, j'en ai vu une paire, là. C'est le cahier bleu, tenez, près du téléphone. Elles doivent être à Geneviève. Dans le temps, chez nous, personne n'allait à l'oculiste. Oh oui, j'y vois encore moins si c'est possible. C'était lui qui passait, avec sa caisse sur l'épaule. Alors, ma grand-mère, elle en essayait, et puis tout d'un coup, oh, tiens, j'y vois un peu mieux. Et allez donc, vendu. Elle a dit à quelle heure elle rentrait. Avant 6h. Hein? Puisque même elle a dit qu'on se verrait, nous deux. Alors je l'attends. Vous lui mettez votre linge? Oh, vous donnez pas ce mal. Je me débrouillerai bien toute seule. J'ai l'habitude, allez. Mais je n'ai rien à faire. J'ai horreur de rester à ne rien faire. Sans blague. Tout ce linge. C'est pas croyable. Pardon? Ah, regardez-moi ça, ces piles de draps, ces nappes, ces serviettes. Ils n'arriveront jamais à les user. Ma pauvre amie, si vous aviez vu les armoires de ma grand-mère, des générations. Non, mais je voudrais savoir à quoi ça sert. Ils ne changent pas de draps tous les jours, quand même. Tout a été éparpillé au gré des mariages, des héritages. Vous n'en voyez que les lambeaux. Et les napperons, il y en a toutes les formes, de toutes les couleurs. Là, il faut me dire qu'ils servent de tout ça. Elle avait même une lingère à domicile, ambroisine. C'est un anglicard, ça. Toutes les lingères s'appelaient ambroisine. Ma grand-mère avait une si mauvaise mémoire, elle ne s'y serait jamais retrouvée. Alors, comme la première s'appelait ambroisine, les cuisinières, c'était Marie. Les femmes de chambre, Germaine. Ben moi alors, c'est Consuelo. Et quand elle changeait de mari, elle faisait pareil. Ils s'appelaient tous Jules. Bon, elle n'a jamais changé de mari, elle est devenue veuve. Comme moi. Sauf que j'étais pas mariée. Et vous, il est mort, votre mari? Il vient jamais? Oui, il y a une dizaine d'années. C'est pas drôle, hein, d'être seule. Non. Ça fait du bien de bavarder un peu. C'est vrai, avec mon pitou, c'est pas pareil. À quel âge que vous l'avez perdu, le vôtre? 70 ans. Non, mais vous! Vous, vous aviez quel âge? 60. Moi, je viens d'en prendre 56. Vous trouvez ça vieux, vous, 56 ans? Non. D'où je suis, ça me paraît même bizarrement jeune. Salut. Ah, te voilà, mon petit. Mais c'est mon balai. Oh, je l'ai cherché partout. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, je l'avais pris pour coller. Pour coller? Ben oui, des affiches sur les murs. Les balais, c'est pas fait pour coller, c'est fait pour balayer. Ben merci, il est bien arrangé maintenant. Comment que je vais faire pour le ravoir, moi? Autant dire qu'il est foutu. Ben excusez-moi, je savais pas. Comment je vais nettoyer? Il en a de bonne, lui. Mais excusez-moi. Cette fois, si nous décidons d'un rendez-vous, qu'est-ce que tu dirais de jeudi? Oh non, je n'ai vraiment pas le temps, je t'assure. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne se rend pas compte. Ben, il est jeune. Je n'en fais pas, mais faut pas qu'il m'empêche de travailler avec ses bêtises. Mais jeudi, c'est le 14. Mais c'est ton anniversaire. Mais oui. Oh, j'allais oublier. Tu vas me dire ce qui te ferait plaisir. Mais ce que tu voudras, n'importe quoi. Ah non, mais qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Réfléchis un peu. De l'argent. C'est peut-être un peu triste. Bon, non. Je t'avais donné combien la dernière fois? Je sais plus. 300, ça irait. Merci. Vous deviez être mignonne, vous, quand vous étiez jeune. Vous avez de beaux restes. Merci, vous êtes trop aimable. Non, je ne blâme pas. Et puis, vous portez drôlement bien la toilette. Vous étiez comment, vous? Vous étiez brune? Oh oui, un vrai petit pruneau. Avec de longs cheveux, quand je les ai coupés, j'ai gardé une belle nappe. Elle doit être quelque part dans un coin. Vous n'avez pas des photos? Sûrement. Je vous en apporterai si ça vous amuse. Ah, je pense bien. Chez nous, avec les lessives, les bêtes, tout le fourbi. Et les gosses, ça pouvait aller jusqu'à 12. Alors, même s'il y en avait qui mourent en bas âge, ça use. Vous, vous avez eu des enfants? Non, je ne l'ai pas trouvé. On bavarde. Ah, madame Geneviève, ça fait plaisir de vous voir. Je m'ennuyais de vous. Tiens, vous vous êtes mise là? Ah oui, j'y vois plus clair. Ah bon? Vous voulez m'aider, s'il vous plaît? Je suis là pour ça. Les fruits, vous les mettez dans la coupe en bois? Oui. Oh, le gros raisin. Vous l'avez payé combien? Ça ne doit pas être donné, hein? La viande et le beurre dans le frigidaire, oui. Merci. Bonjour, tu vas bien? À peu près. Et moi, j'ai pas droit à la bise. Oh, excusez-moi. Trois fois, comme chez moi. Ah, beaucoup. Oh, mais ma parole, on dirait un gigot. Eh ben, dites donc, vous allez vous régaler. C'est qui, vous prenez votre viande, vous? Celui du coin, c'est un voleur, hein? Ce matin, je lui demande de la rate pour mon pitou. Vous savez pas ce qu'il m'a compté pour un bout de rate grand comme ça, 3 francs? Eh ben, mon vieux, il s'embête pas. J'espère que maman ne vous empêche pas de travailler. Oh, ben, au contraire, ça prend tout le temps. Ah, tu m'as rapporté mon livre. C'est gentil, ça. Oui, cette fois, je n'ai pas oublié. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux? Oh, si j'avais pas mes reins, hein, là. Ce matin, j'en aurais pleuré, ma pauvre. Un type dans le métro, on était coincés comme des sardines. Il m'enfonce son cou des flancs. Oh! Sucre! J'ai poussé les jaquettes autour de moi. Si vous partez à 6 heures, vous n'aurez jamais. Oh, ben, je suis pas à la minute. Vous arrivez à vous débrouiller avec ses chemises? Ouais. Mon mari est tellement pointilleux, quand il s'agit de ses chemises, il ne supporte pas un coupli. En parlant de pointilleux, ils exagèrent ceux du premier avec leur chien. Madame Daniel, elle me le disait, une honte. Non. Après, j'aime bien les bêtes, mais pour être raisonnable, alors je sais pas, moi, on va tous faire ses besoins partout. Et puis, qui c'est qui va nettoyer, hein? C'est pas eux. Maman, tu veux venir, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Excusez-moi. Oh, y a pas de mal. Tu repars déjà? Oui, mais je t'appelle, promis. Excusez-moi pour le balai. C'est pas bien grave. Peut-être qu'en le mettant à tremper dans l'eau. Bon, vous pouvez le garder, il y en a un autre. Si ça vous amuse d'aller coller vos affiches. Mais je le fais pas pour m'amuser. Ah, je me demandais ce qui avait bien pu t'arriver. Non, sérieusement, je commençais à m'inquiéter, mais la vision de tes chaussettes sales m'a mis du baume sur le cœur, si j'ose dire. Écoute, maman, il y a une réunion dans un quart d'heure à la section, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce pull ? Mais j'en sais rien. Mais il est à ton père ? Peut-être bien. Ah, ouais. Si tu l'abîmes, tu vas l'entendre. De toute façon, je l'entends, alors un peu plus, un peu moins. On va le retirer. Mais j'ai pas le temps. Ça prend exactement 3 minutes, ils peuvent bien commencer sans toi, tes petits camarades. Non, justement, ils peuvent pas, c'est de moi qu'on doit discuter. Tu as des ennuis ? Des divergences, disons. Que ce serait héréditaire par hasard. Comment? Ah, Marcel, vous voulez bien me laver ce petit linge avant de partir? Ben, bien sûr. Merci. Mais faites attention, c'est fragile. Vous prenez du savon? Vous inquiétez pas. À la maison, la lessive, on la faisait à la rivière. Il n'y avait pas de machine de ce temps-là. Rien que de l'huile de coude. Et l'eau était froide, c'est moi qui vous le dis. Je me souviens, ma mère. À 4h du matin, il traînait dans les corridors, beurré comme un coin, essayant de forcer la porte de notre Jamila. Notre guide, une petite étudiante de Saint-Louis. À part ça, la discussion a été fructueuse, les communications intéressantes. D'un niveau correct. Nous avons essayé de mettre l'excision sur le tapis, mais les pays intéressés nous ont poliment prié de ne pas nous mêler d'une coutume purement locale. Une partie intégrante de leur identité culturelle. Vous avez répondu après tout, c'est un problème entre vous et vos bonnes femmes, démerdez-vous. Comment as-tu deviné? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, là? C'est un cadeau. De qui, grand Dieu? De moi, pour Madame Geneviève. C'est Léon qui l'avait gagné. Oui. Oh, c'est très bien, très gentil. Si, si, vraiment. Non, je voyais pas très bien comme ça, de loin, mais c'est joli, très joli. C'est très kitsch. Ça a dû te faire plaisir. Mais naturellement. Madame Geneviève, ça fait patronne de bordel. Toi, con. Bonjour Marcel. Bonjour Stéphane. Salut. Ah, te voilà, toi, d'où sors-tu? Une distribution de tracts sur les marchés parisiens? Les masses laborieuses vous ont prêté une oreille attentive? Je fais bon voyage, merci. Vous attaquez directement par la blanquette, monsieur Stéphane? Oui, je veux bien. Bon. Alors, les rois nègres, toujours aussi farceurs? Hilarant. Merci. Voilà. Merci, hein, excusez-moi. Ma chère toi, on voit être des alliés objectifs de la réaction. T'en as tout de même gardé un morceau. Alors, vous avez gravement colloqué sur les bienfaits de la contraception, entouré d'une population si nombreuse qu'affamée? Au mieux l'envoyer des pilules que des instructeurs militaires. Vous leur jetiez vos restes après les repas? Pourrais-tu avoir l'extrême obligeance d'éteindre ta cigarette quand tu te mets à table? Que tu t'empoisonnes les poumons, c'est ton problème. Je ne vois aucune raison d'en subir les inconvénients. J'ai lu une très jolie anecdote. Quand on parlait de Heine à son oncle Salomon, un riche banquier de Hambourg, il disait d'un air navré, « Oh, si ce garçon avait appris quelque chose, il n'aurait pas besoin d'écrire des livres. » Comme la mère de Marx, qui se lamentait toujours. Au lieu d'écrire son capital, il aurait mieux fait d'en amasser. Hein. Non, mais si vous voulez que je m'inscrive à HEC, dites-le carrément. Pourquoi ça? Ce n'aurait rien de déshonorant. Tu sais. T'aimes pas la blanquette? Si. Mais pas tellement. Je suis pas sûre de la terminer, cette émission. Il refuse de me compter les heures que j'ai passées à la Nationale. Faut quand même avoir une idée du sujet qu'on traite, non? J'aurais par-dessus la tête, mais cette discussion de marchand de tapis, toujours à essayer de vous grignoter une heure... Mais tiens, à propos, j'ai retrouvé une phrase de ton poète. Ah, c'est gentil, merci. Elle est depuis longtemps jugée, condamnée cette vieille société. Que justice se fasse, qu'il soit détruit ce vieux monde où l'innocence a péri, où l'égoïsme a prospéré, où l'homme a été exploité par l'homme. Ah, c'est magnifique. C'est un peu dépassé, non? On légalise au lance-flamme, à présent. Le socialisme des temps... Fascine. Oh, je sais de quoi je parle, hein. Moi aussi, je m'en suis donné du mal pour faire se lever des lendemains qui chantent. J'en ai distribué des tracts, j'en ai crié des slogans... Ne fume pas ce sel. Merci. Ça a mal tourné, d'accord. Les intentions étaient bonnes. Elles sont presque toujours bonnes, d'ailleurs. C'est bien ça, le drame. Hein? Chercher à faire le bonheur de l'humanité, est-ce que c'est pas là le moyen de tout gâter, hein? Il a rendu sa carte, n'insiste pas. Comment ça, il a rendu sa carte? Ben, j'aimerais savoir pourquoi, c'est défendu. Mais moi, ça m'intéresse. Et pourquoi je me suis inscrit, ça t'intéresse? C'est à cause de toi. J'en avais marre de t'entendre rabâcher sans arrêt les mêmes désillusions. Mes expériences, j'ai envie de les faire moi-même. Nous en sommes au même point à présent, hein? Ah, ça, non, alors merci bien. Le côté ancien combattant, tu peux te le garder. Stéphane, sois poli avec ton père. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ces états d'âme. Je vais chercher à vous. Je me souviens ce que racontait notre interprète à Moscou. Vera? Ah, vous y avez été? Oui, à propos de la jeunesse. Il paraît que là-bas, il y a des écoles partout. Même pour les vieux. Hein? Et des crèches aussi. Ah ben, c'est Madame Danielle qu'on parlait. Ben, ici, il n'y a peut-être pas assez de crèches. Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Oui, mais j'ai personne à qui écrire. Quand on voit le chômage qu'il y a et tout, je fais pas de politique, mais là-bas, tout le monde peut travailler. Enfin, à ce qu'on dit. Bravo. Bah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as déniché où ta colcosienne? Là-bas, tout le monde peut travailler. Travailler où? Aux mines de la Colima. Ce qui me plaît chez toi, c'est ta mesure. Bon, et donc je filme, ce soir. Ah, maintenant pas pour aller chez Tatiana, j'ai une visite à 8 heures, j'irai directement. Oh, on n'arrive pas trop tard. Bah, j'essaierai. Marcel, vous pouvez emmener le reste du poisson d'hier, si vous voulez. Nous ne dînons pas là ce soir, et demain, il risque de ne plus être bon. Ah, ben, bah, c'est pas de refus, merci. On va se régaler avec mon pitou. Mais ça n'est pas ce qui me ferait plaisir. Non. Que vous montiez prendre l'apéritif un soir, avec votre mari. Ah, oui, ce serait gentil. Alors, quand? Il m'est difficile de décider seule. Ah. D'ailleurs, nous sommes pris tous les jours cette semaine, mais... Dès que nous aurons un moment de libre, je vous le dirai. On pourrait bavarder tranquillement, sans être bousculé. Ah, ce serait bien, oui. Marcel, je voulais vous poser une question, mais vous me répondez franchement. Bah, et pourquoi non? Nous avions fait un petit arrangement avec Consuelo pour la sécurité sociale. Oui, c'était quoi? Ben, elle, ça ne la dérangeait pas du tout que je la déclare seulement 2 heures par jour. Et les 2 autres heures, enfin la part de la sécurité sociale, nous la partagions. Mais... Je lui en donnais la moitié. Oui. Vous êtes déjà déclaré, vous. Il vous déclare dans votre... Ah, maisons. Ben oui, ça, oui. Quoi? Ben, il faut que je m'achète des pompes, je passe des fruits. Tu pourrais essayer de te dominer un peu avec ton père. Vos prises de bec, c'est rigolo de temps en temps, mais à la longue... Oh, il a qu'à pas nous chier une pendule avec sa conscience malheureuse. Je t'adore. S'il pouvait m'oublier un peu. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Merci grandement. Salut. Salut. Bon, Marcel, vous avez réfléchi? Ça m'embête de vous dire ça, vous êtes tellement gentil. Mais une heure, c'est une heure, deux heures, c'est pas quatre heures. Ça fait peut-être un peu plus maintenant de votre façon à vous, mais pour la retraite. Ou si je tombe malade. Bon, hein? Bon, n'en parlons plus, on fera comme vous voudrez. Ben alors, moi, j'aime mieux quatre heures. Très bien. Parfait. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est rien, c'est rien. Venez vous asseoir, voyons. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. Ça va passer. J'ai eu comme une suée sur tout le corps. Je me suis vue partir. On se sent tout bête. Ça va mieux, là? J'ai pas mangé depuis ce matin 6 heures, ça doit Mais être ça. Mais pourquoi? Vous n'avez pas déjeuné? Il fallait que j'aille à la sécu, justement. J'ai attendu 2 heures, après j'avais des courses. Quand je sors, le soir, tout est fermé. Oui. Hein. Alors j'ai pensé bon, que j'avais meilleur temps. Vous allez tout de suite manger quelque chose. Non, non, je vous interdis de bouger, restez. Faut pas vous donner du mal. Qu'est-ce que je vous donne? Du poisson, de la blanquette, un peu de fromage. Oh, un peu de fromage, ça ira. Avec un petit verre de vin. Ah ben oui, ça c'est pas de refus. Oh, ça m'embête de vous déranger. Bon, vous plaisantez, vous. Ah. Ça vous ennuie de venir jusque-là? Je suis servie comme une reine. Voilà. Vous êtes trop gentille. Je sais plus où me mettre, moi. Ah, vous reprenez des couleurs. J'avais besoin de prendre. Ça me rappelle la fois que j'étais à l'hôpital pour ma vésicule. Ils ne savaient pas quoi faire pour me faire plaisir là-dedans. Les infirmières, tout. Vous avez froid? Ça doit être la réaction, je sais pas. Je me sens toute drôle. J'ai les mains glacées, regardez. Oui, attendez. Venez, on m'étouffez-vous là-dedans, vous allez vous réchauffer, il est douillet comme tout, vous allez voir. Oh, oui, maman. C'est quoi comme tissu? Du cachemire. Ah, c'est doux. Oui. Maintenant, vous allez me faire le plaisir de manger, hein? Je mange. Vous vous occupez de moi comme si j'étais de votre famille. Allô? De quoi? 8306? Je sais pas. Quoi? Non, c'est la soubrette. À la bonne, quoi. Le docteur Forestier, ah non, mademoiselle, il n'est pas là. Ah, puisque je vous dis qu'il n'est pas là. Ah, ben, quand il va revenir, je ne sais rien, moi, c'est pas mes affaires. Ah! Ben, raccroché, ben, tant mieux. J'ai pas de mal avec, elle recommence pas. Très belle, dans des robes exquises. Qui sont faites pour qu'on la séduise. Une courbe qui grise, une rondeur qui charme. Sa meilleure arme, être femme. C'est bon de vivre avec Paul Mosner. Collection hiver 80 Paul Mosner. Des robes pour celles qui savent profiter de la vie. J'aurais ouvert si je peux m'entendre. J'ai fini par descendre chercher la clé chez la concierge. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces nappes? Ben, vous les reconnaissez pas? Ça fait joli, non? On se croirait dans une église. Vous aimez pas? Franchement. Franchement, pas tellement. Ah bon. Et pourquoi avez-vous décroché ce tableau? Ah bah, pour lui donner un coup. Quoi? Regardez ça, les couleurs, si elles sont noires. Mais c'est pas une casserole. Oh, mais ça peut pas lui non, faire je de vous demande de ne pas toucher au tableau. C'est quelque chose d'extrêmement fragile. Ça ne se nettoie pas comme ça. Il y a des spécialistes pour ça. Bon, d'accord, faut pas me disputer. Non, je ne vous dispute pas, vous ne pouviez pas savoir. Eh non. À la ferme au printemps, ma mère est passée tout au savon noir. Les murs, les planchers, tout. Mais pas les tableaux. Il n'y en avait pas. Marcel, vous n'auriez pas touché par hasard à des documents qui étaient là? Où ça? Là, sur ce petit meuble, dans une chemise rouge. J'ai rien vu. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ah, ça. Soyez gentil de ne jamais toucher à ce qui se trouve sur ce petit meuble, s'il vous plaît. C'est rien, moi, ce qu'il y a sur votre petit meuble, je n'ai même pas regardé. Oui, allô, Tatiana? Elle a téléphoné tout à l'heure. Qui ça? Tatiana? Oui? Vos photos, elles sont dans sa serviette. Ben, vous ne me l'aviez pas dit. Vous ne l'avez pas demandé? Je vous ai demandé si vous aviez vu des documents. Vous n'avez pas parlé de photos? Bon, elle avait oublié de me le dire. Même chose. Ça t'ennuie pas trop? Non, c'est pas des photos, c'est des papiers. Oh non, ben, tu l'as entendu! Mais parce qu'il est le patron, qu'est-ce que tu crois? Tu lui as posé la question au sujet des projections? Ah, moi, je refuse de travailler le soir. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour ce qu'ils nous payent. Bon, d'accord. Jacques? Non, pour le moment, c'est calme. Oui. C'est ça, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ah, à propos, la fille de l'autre jour, elle vient juste d'appeler. Quelle fille? Vous vous rappelez pas? Le jour que je suis rentrée chez vous? J'écoutais pas, remarqué, mais j'ai entendu. Il l'avait même traité de salope. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah ben là, vous pouvez me faire confiance, elle viendra plus vous embêter, celle-là. C'est pas pour me vanter, mais elle a reçu son paquet. Oh non, comment ça, son paquet? Oh, ben son paquet, j'en ai pas dit plus que ce qu'il fallait, mais la façon que je lui ai dit... Mais qui vous demande de vous occuper de mes affaires? C'est incroyable! Elle fait rien qu'à vous faire rendez-vous, cette fille-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'abord, qui vous dit que c'était la même? J'ai reconnu sa voix. Vous n'avez pas à vous mêler de ma vie privée. Vous êtes là pour prendre les communications, les noms, les messages, un point c'est tout. Vous avez compris? Ah ça oui. Pas la peine de répéter 10 fois la même chose, je suis pas sourde. J'ai cru bien faire, moi, il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon. Bon, excusez-moi, je me suis emportée. Oh, il n'y a pas de mal. D'où tu sors, toi? Je devine. Non, laissez la poubelle. Stéphane s'en chargera. Ou mon mari. C'est pas vrai? Pourquoi? Alors là, c'est dommage que mon Léon soit plus là pour écouter. Lui laissait tomber sa chaussette, c'est moi qui la ramassais. Il a jamais levé le petit doigt. Un vrai pacha. Mais vous trouviez ça normal? Ah ben, j'y pouvais rien. De toute façon, c'était à prendre ou à laisser. Les hommes, ça court pour les rues. J'en avais trouvé un, j'allais pour le lâcher. Moi, je pourrais pas supporter de vivre avec un homme qui me traite comme sa bonne. Qui me laisse tout faire dans la maison. Ben, vous savez, chez nous, hein, 3 mètres sur 4... Il m'aurait plutôt gêné qu'autre chose. Bon, excusez-moi, il faut que je travaille. Ni tout. Tu connais ce portrait de Hein? On voit la paupière qui commence à s'affaisser. À la fin, il était obligé de la soulever avec le doigt pour voir qui entrait dans la chambre. L'horreur. Nerval arrivait, amené par un infirmier. Et ces deux hommes, qui était si près de mourir, passait des journées entières à chercher comment traduire les poèmes de Heine de la manière la plus parfaite. Chaque mot, sa musique. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus beau? T'as pas bonne mine. Sans blague. Bon, tu rentres de plus en plus tard. Mais on essaie de mettre sur pied un bulletin d'opposition avec des camarades, où chacun pourrait s'exprimer librement. Je voudrais pas te décourager, mais vous n'êtes pas les premiers. J'ai rencontré Anne-Marie. Ah ouais? Elle m'a demandé de tes nouvelles. Tu pourrais lui passer un coup de fil, non? Chaque fois que tu laisses tomber une fille, c'est moi qui suis obligée de lui tenir la main. Écoute, maman, si ça t'amuse de jouer les nounous, c'est ton problème. Je t'ai rien demandé. Tu m'as rien demandé, non, mais je l'aime bien. Et tes chères études, si je peux me permettre une question aussi indiscrète, tu as l'intention de te représenter en septembre? Quoi? Non, rien. Si tu ne veux pas continuer, dis-le. suis sûre que ton père peut comprendre. Encore faut-il que tu lui parles. Pourquoi ne peux-tu pas lui parler? Il ne gagne pas sa vie, votre mari? Pardon? Alors, en ce moment, personne n'a d'argent, hein, ce qu'on dit. Mais un docteur? Bah, je ne vous ai jamais dit que mon mari ne gagnait pas sa vie. Il la gagne très bien. Ah non, pourquoi vous travaillez? Pourquoi je travaille? Eh oui, nous deux, Léon, avec nos salaires, on y arrivait tout juste. On avait des frais aussi, hein? Ouais. Les traites de la télé, tout ça. Mais vous, je vous regarde, à courir comme ça du matin au soir, vous allez tourner girafe. Est-ce que vous voudriez que je reste à la maison? Je veux rien, moi. Tout le monde. Quand même. Vous ne croyez pas que nous sommes assez battus, nous, les femmes, pour notre droit au travail? Ah, bah merci. Vous parlez d'un droit. Et celui de se reposer, alors? Je n'ai pas arrêté, moi, toute ma vie. Il n'y a qu'à voir Léon. Il ne serait pas où il est s'il n'y avait pas eu droit au travail. Je parlais d'un cadeau. Galon jaune pour faire un effet. Lequel préfères-tu? Moi, j'aime mieux le jaune, il fait plus gai. Je demande à ma fille. Oui, mais n'empêche. Le vert se marie mieux avec les motifs, à mon avis. Alors, je mets le vert. C'est la patronne! Oui! Laissez-moi prendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon rhumatisme. Ça me fait comme une barre, là, dans le bas du dos. Bon, laissez la vaisselle, je la range. Oh, pensez-vous. S'il fallait que je m'arrête à chaque fois que j'ai mal, je travaillerais pas souvent. Faut pas porter de poids lourd, faut se reposer, c'est ce qu'il dit, le docteur. Ah, il est bon, lui. Pour se reposer, faut avoir des sous. Attends, je prenais de l'aspirine, mais ça me fait des brûlures à l'estomac. On ne m'attrape pas de l'idée que c'est ma vertèbre qui s'est déplacée. Ah oui? Oui, je suis tombée de la grange. J'avais pas 12 ans. Ben, ils l'ont vu sur la radio, ma fracture à l'hôpital. Alors, mon rhumatisme, il y est mis, forcément. Mais c'est qu'il voyage. Une fois, il est là, une autre fois, là. Il y a des moments. Je sais plus quoi plaindre, moi. Docteur, il m'avait bien donné des cachets. Mais ça m'enlève mes globules, à ce qui paraît. Dis-lui pour les verres. Ah oui. C'est ce qu'elle dit, Madame Daniel. Une fois arrivé à nos âges, c'est bien rare qu'on n'ait pas quelque chose. Les uns, c'est la tête, les autres, c'est le foie, moi, c'est le dos. Je me décalcifie. C'est ce qu'il dit, le docteur. Faut pas que je me plaigne, hein. Il y a pire que moi. Marcel, soyez gentil de vérifier les verres quand vous les sortez de la machine. Ils sont pas très nets. Mes verres? Oui, essuyez-les avant de les ranger. Mais ils sont pas sales. Pas sales, non, mais ils ont des marques. Mal rincées, mal séchées, j'en sais rien. Enfin, pas net. Pas convaincu. Voilà, à un moment, je portais un corset. J'étais bien soulagée, mais il faut que je me le fasse remplacer, il ne vaut plus rien maintenant. Non, moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est encore une bonne bouillotte sur les reins. Tiens, une belle figure, celui-là. Qui c'est? Un poète allemand. Henri Heine. Oh oui, c'est bien non, Bosch. Ah non, je vous en supplie, Marcel, n'employez pas ce terme de Bosch, je ne peux pas supporter, ça me rend malade. On les appelait comme ça chez nous. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Les Hicheleux? Les Frisés? Les Allemands, tout simplement, nous ne sommes pas en guerre. D'ailleurs, il était juif. Mais c'était pas un Bosch alors? De notre famille, on en a souffert de la guerre, vous pouvez en croire. Mon frère, il a été prisonnier alors. Le plus jeune. Il a même failli rester. Bombardé par les Anglais. 3 fois. Quand il est revenu, il avait les jambes. Décharné, il était. Ouh, j'ai l'estomac qui chante la sérénade. Oh, j'ai oublié de préparer la gamelle à mon pitou. Une fois, il me regarde, il a l'air de me dire, alors, ça vient? Qu'est-ce qui peut être trésor, ce chat? Mais il y a des fois, il vient me faire du pain sur le ventre au beau milieu de la nuit. Et puis moi, pour me rendormir, après, c'est que le réveil sonne à 5 heures. Heureusement que je l'ai noté bien. Parce que toute seule, c'est pas drôle. Oui, je sais. Moi aussi, la première année. Mais on se fait à la solitude, malheureusement. Oh, c'est pas pour eux, non. Non, de ce côté-là, ça me tracasse plus tellement. Non, c'est plutôt... pour avoir une épaule. Ben oui. Oh, pas maintenant. Pauvre Léon, je pense à lui tous les jours. La nuit, surtout, parce que dans la journée, j'ai pas le temps. Mais plus tard, je dis pas. Ce qu'il me faudrait à moi, c'est un veuf. Mais sans enfant. Je lui ferais sa tambouille, son ménage, il serait pas malheureux. Marcel, j'aimerais que vous descendiez me faire une ou deux courses. Maintenant? Oui, maintenant. Les magasins sont encore ouverts. Oh, tiens, tiens. Oh, c'est rien, il va falloir faire un petit coin. Qu'est-ce qu'elle est mignonne avec cette robe, elle vous va? Non mais regardez-la, on dirait un tableau. Moi? Bah oui, vous. Non, on a passé l'âge, même là. Ah, j'aime bien quand vous souriez, ça vous éclaire. C'est vrai parce qu'il y a des fois, vous me fichez la prousse avec vos façons. On s'en blague, je vous fais peur. Oh là là, oui. Parce qu'autant que M. Albert. Hein? Notre chef dans les bureaux. Oh, celui-là. Et tout le temps derrière notre dos. Pas moyen d'avoir une minute de repos avec lui, ça y va. C'est à peine si on a le temps d'y aller par le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, tiens, ça me fait penser que Louisette, ce matin, m'a porté des caramels. Louisette, c'est celle qui a remplacé Léon. Elle les appelle même pure crème, pure sucre. Ils sont tout mous. J'en ai préparé un petit sac pour y goûter. Mais non, merci, vous êtes gentil. Vous n'en voulez pas? Non. Ils sont bons, vous savez, je suis sûre que M. Stéphane, il va se régaler, lui. Bon, alors merci. Je m'en voudrais que vous terrifiez comme M. Albert, mais il est déjà 7 heures. Les magasins vont bientôt fermer. Oh, je reste comme ça, hein, pour aller à l'épicieux. Ben oui, c'est à côté. Bon, voilà 200 francs. Oui. Et je vous ai préparé une liste. Ne vous inquiétez pas pour votre dos, ce ne sera pas lourd. Oui. J'ai le boucher, vous dit que c'est pour moi, j'ai commandé par téléphone. Oui. Le beurre, vous le prenez en bas, du beurre Sainte-Marie. Vous voyez, j'ai écrit le nom, là. Avec les tartines qui se fait, M. Stéphane, ça file. Lui, c'est le père beurre, hein. Vous serez gentil aussi de passer chez le marchand de vin pour leur commander le petit Bordeaux habituel, bon. Celui à 17 francs. 17 francs, hein. 17 francs la bouteille? Oui. Eh ben, mon Dieu, c'est plus vite sifflé que gagné. Vous en commanderez 12. Tu la connais cette chanson? Fräulein Hilde nous la chantait lorsque j'étais enfant. Elle est de Heine, justement. Ou de Goethe, je ne sais plus. Tu m'entends? Geneviève. Elle me tue, cette femme. Entre son frère, son matou, ses vertèbres, sa vésicule, toute sa plomberie, j'étouffe. Moi, j'en peux plus. Oui, on ne peut pas dire qu'elle se tienne parfaitement à sa place, c'est vrai. Mais je la trouve assez touchante et puis elle était si dévouée. Ah, il manquerait plus qu'elle morde. On voit bien que tu l'as pas tous les jours sur le dos. Mais tu n'es pas obligée d'être là tous les après-midi. Mais où veux-tu que j'aille? Dans mon bureau. Je n'ai pas de bureau. Dans ma chambre, je n'ai pas la place d'étaler mes documents. À la télévision, si j'y vais tous les jours, ils finiront par me faire pointer. Alors où? La cuisine fait 2 mètres sur 3. Je pourrais transporter mes papiers au bistrot du coin, oui. Mais pourquoi l'as-tu engagé et sans aucune référence? Oh, tu es drôle, toi, quand tu tombes sur une malheureuse créature complètement dans la détresse, tu essaies de la sortir de là. Mais toi, évidemment, tu ne vois rien. Ah, tu as une manière de traverser l'existence. Je ne pouvais pas savoir qu'une fois remise sur pied, elle n'arrêterait pas de parler, de me couvrir de baisers, trois fois comme chez moi. Ça, je dois dire qu'elle est affectueuse. Et si tu lui demandes comment ça va, alors là... Mais c'est quand même incroyable, quand on demande aux gens comment ça va, c'est pour qu'ils vous répondent très bien. Et vous? Ils sont exquis. Pourquoi faut-il que je me laisse toujours avoir par tout le monde? Mais veux-tu que je te dise? Tu es trop bonne. Parce que si tu regardais dans les coins... Mais... Tiens! Regardez ce que j'ai encore trouvé sous votre lit. Ah, ouais. Ah, oui. Ça vous fatigue pas trop de rester allongé? C'est dans la tête que j'attrape des courbatures. Mais je pense trop. Moi, c'est dans les reins. Mais vous, vous en avez pas marre de toujours travailler pour les autres? Pour qui voulez-vous que je travaille? Et si c'est pas moi qui balaye, c'est pas vous qui allez vous y coller. Vous êtes déjà pas fichu dans ces bouchons ou de cette. Pas de montant à 4 pattes, moi, dans votre chambre. Avec ma jambe, vous parlez d'un plaisir. Vous voulez boire quelque chose? Oh, ben oui, ça, c'est pas de refus. Du vin, de la bière? Qu'est-ce que vous prenez, vous? Du muscadet. Eh, ben, pareil pour moi, hein. Comme ça? Ah oui. À la vôtre, hein. Chin. Ça fait du bien. Ben, asseyez-vous. Ben, mon travail, il va pas se faire tout seul. Oh, 5 minutes. Pas plus. Vous vous la coulez douce, vous. Ils s'en font pas, les jeunes, maintenant. Un barbu, tout à l'heure, il m'a demandé 1 franc. Quel culot. T'en as envoyé promener, va te débarbouiller, mon gars, on coudra après. Qu'est-ce que vous êtes encore allé raconter à la concierge? Moi? Oui, vous. J'ai rien dit, moi. Vous l'avez traité de flic. Ah, ça, c'est M. Stéphane qui l'a dit. Donc quoi? Que les concierges étaient tous des flics. Oh, bah, c'est vrai. Ah, bah, c'était pas une raison pour aller le lui répéter, elle est faute de rage, maintenant. Elle leur faisait les honneurs des chiottes au CRS en 68. C'est toi-même qui me l'as dit. N'empêche qu'on a toujours intérêt à être bien avec sa concierge, on peut en avoir besoin. Et je trouve inadmissible que vous alliez répéter partout ce que vous entendez. Oh, mais je ne l'ai pas répété partout, je lui ai dit à elle. Elle n'arrêtait pas. Et votre chat qui vient pisser sur mes plantes vertes. Et je vais faire une pétition chez les locataires. Sale flic, vous, je m'ai dit. J'aime pas qu'on me manque, moi. Bon, bah, calmez-vous, c'est fini. Vous avez terminé? Oui, c'est votre fils qui... Vous savez l'heure qu'il est? Non. 7h15. Vous pouvez peut-être arrêter pour aujourd'hui. Il vous restera 1 quart d'heure plus tard, lundi. Et vous qui commandez? T'as pas vu ma bague avec la perle baroque? Et celle que tu perds 3 fois par semaine? Non. Est-ce que j'ai bien pu la poser? Ah, tiens. Oui, ça part faire dans votre chambre. Merci. Cher monsieur le docteur, j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre. Moi, ça me chauffe les oreilles, ta mère Danielle. D'abord d'une cabine dans la rue et j'étais coupée tout le temps. Ensuite... Ah, non. Vous n'avez rien qu'à m'embêter avec mes ordures. Faut pas les mettre là. Faut les prendre là. Oui. Ah, moi, je lui ai dit que c'était... Non, je vous en supplie, Marcel, maintenant, arrêtez vos histoires. Je vais au revoir, et puis bon dimanche. Bon, oui, dimanche. Ça, bon dimanche. Pourquoi discutes-tu avec elle? Parce que ça m'intéresse. Elle est remplie d'idées toutes faites. Elle, au moins, elle a des excuses. Qui est cette valise? À moi. Je vais partir. Où? Quitter la maison. Quand? Ce soir. Tout à l'heure. Ah. Je préfère t'en parler avant qu'il ne rentre. J'ai rien à lui dire. D'ailleurs, comme il parle tout le temps. Écoute, j'aimerais bien que tu lises cette lettre. Tiens-la. Mais surtout pour vous exprimer ma reconnaissance. Sans vous, j'étais perdu. Personne ne voulait m'aider d'abord parce que j'étais trop jeune, et après parce que c'était trop tard. Merci de ne m'avoir pas fait payer votre Eliane Bertin. Et alors? Tu dis toujours que ce sont les actes qui comptent et pas les mots. Ça n'a aucun rapport. Il y a des tyrans domestiques qui ont fait le bonheur de l'humanité et vice-versa. D'ailleurs, c'est pas à cause de lui que je m'en vais. C'est à cause de moi? Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de prendre du champ. Il faut pas m'en vouloir. J'en ai marre. Mais de quoi? De tout. La politique, la gueule des gens, tout ça me fait chier. Avec ce que j'ai gagné cet été, je pourrais vivre un bout de temps. Après, on verra. Comme tu veux. Tu as besoin de rien? Je sais pas, des couvertures, des draps? Je préférerais me débrouiller tout seul pour une fois. Oui. Tu m'en veux pas. À ton âge, j'aurais certainement agi comme toi. Allez donc. Non, mais je voulais pas te blesser, excuse-moi. Je reviendrai pas pendant un certain temps. Oui. 2 mois, peut-être 3. Et ton courrier? Je t'enverrai mon adresse. On n'a pas peur, on te fichera la paix. Non, attends. Juste un mot avant que tu ne partes. Puisque nous n'allons plus nous revoir, du moins pendant un certain temps, je voudrais te dire une chose. Je t'aime plus que tout au monde. Tu peux faire ce que tu voudras. Rien ne changera mon amour pour toi, jamais. C'est la seule chose dont je sois sûre. J'ai laissé mon beurre dans le frigo. Pas que ça vous tracasse. Pardon? Bah, que j'étais lui raconter à Madame Daniel. Oh, je vois bien que ça vous chiffonne. Ça est sans importance. Ah, bah, n'empêche, vous avez l'air contrarié. Non, je vous assure. Bah, je le vois bien quand même, vous êtes toute chaude. Excusez-moi, Marcel, j'ai besoin d'être seule, alors vous êtes gentille maintenant. Vous me laissez. Pitou! Pitou, pitou, pitou, pitou, pitou! À la soupe! Où est-ce que t'as encore été fourré, toi, hein? Et je te vadrouille, et je te vadrouille. Ah, t'as la belle vie, toi! Pitou! Je vais pas te courir après toute la nuit! Ah, quel petit salopio, celui-là! Pitou! Quelle bonne surprise! Entrez! Pardon. Asseyez-vous! Oh, juste une seconde alors, parce que c'est haut. Ah, ça oui! Votre mari n'a pas pu venir? Jacques? Oui. Non, il travaille tard, vous savez. Ça, c'est un homme qui ménage pas sa peine, hein? Pareil que mon Léon. C'est n'avez rien changé. Tout me semble plus... J'ai fait le ménage, alors forcément. Hein. Oui. Je vous offre un petit bagnou. Non, merci, vous avez... Vous n'allez pas me refuser l'apéritif. J'avais même acheté des biscuits, au cas... Non, mais je ne veux pas vous déranger. Mais ce n'est pas du dérangement. Ça me fait plaisir de vous voir là. En fait, j'ai monté parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu un mot de Consuelo. Vous vous souvenez, ma femme de ménage portugaise, je vous en avais parlé le premier soir. Vous pensez si je m'en souviens. Mais sa fille a fini par se rétablir, c'était moins grave qu'on craignait. Ah ben, je suis bien contente pour elle. Ben oui, seulement, elle revient à Paris. Et elle me demande si elle peut toujours compter sur son travail à la maison. On en avait parlé le premier soir, hein. Chacun son travail. Je ne vais pas lui prendre son beefsteak à votre portugais. Ah, je savais que vous comprendriez. Je me faisais aucun souci de ce côté-là. Mais je tenais à vous avertir tout de suite, de manière à ce que vous puissiez prendre vos dispositions. Mais alors moi, je viens jusque quand, moi, chez vous? Justement, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons sans doute partir quelques jours, mon mari et moi. Un voyage prévu depuis longtemps. Et comme, d'autre part, mon fils non plus ne sera pas là, j'ai pensé que c'était peut-être pas la peine de continuer à... C'est pour ça que j'étais montée. Ce qui me préoccupe, c'est comment vous allez vous débrouiller. Faites pas de bile, allez, j'en ai vu d'autres. Je me suis permis d'en parler autour de moi, dans le quartier. La boulangère m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au 48, pour les escaliers et les deux magasins du rez-de-chaussée. Vous pouvez vous présenter de ma part, j'ai donné les meilleurs renseignements. Merci. Ce que j'ai besoin, par exemple, c'est ma feuille de paye. Ah, c'est vrai, ça j'oublie toujours. Je vous la fais en rentrant, je la dépose chez Madame Daniel. D'accord. Pendant que j'y pense, j'ai retrouvé une paire de chaussures. Je ne les ai jamais mises, elles étaient trop petites, alors j'ai pensé que peut-être je vous les laisse. C'est pas la peine, elles m'iront pas. Essayez-les. J'ai les pieds déformés. Je vais beaucoup rester debout. Vous voulez autre chose? J'aurais aimé vous donner quelque chose. Je veux mes sous. Tenez, si vous voulez vérifier, je crois que j'ai compté juste. À propos, hier soir, chez un confrère de Jacques, j'ai rencontré le médecin qui est en poste à Créteil. Dans le service où se trouvait votre mari. Curieux comme coïncidence, non? Vous pensez si je l'ai questionné? Il manque 50 francs. Comment ça? Le mercredi, j'ai fait 2 heures de rame. Mercredi? Oui, votre dîner, mercredi. On avait mis la rallonge. Je suis montée, il était 10 heures passées. Oh, je vous prie de m'excuser. C'est une erreur tout à fait involontaire, un oubli. Je mettrai l'argent avec la feuille de paye chez la concierge. Eh, ça. Bon. Qu'est-ce que vous regardez, là? Rien du tout. Oui, c'est votre napperon, et alors? Il me plaisait, je l'ai pris. Il restait à moisir dans votre armoire. Un jour, j'ai voulu vous faire une belle maison, vous avez fait la grimace. J'ai peut-être pas de goût pour les arranger comme il faut, mais au moins, moi, je m'en sers. Et puis, tiens, prenez-le. Non. J'ai pas besoin de souvenirs de vous. Non, je vous en prie, gardez-le, je vous le donne de bon cœur. Soyez gentil, acceptez. Bon, vous ne m'en voudrez pas si je vous quitte, mais je... Je dois descendre, j'attends un coup de téléphone de province à 7 heures précise et... Mais c'est en moi le cas. Ah, je voulais vous demander ça. Ça vous ennuierait de me rendre la clé? J'en ai besoin pour Consuelo. Merci. Je voulais vous dire aussi pour votre chambre, j'ai réussi à joindre le gérant, enfin. Il a été extrêmement correct, tout est arrangé. Alors... Au revoir. Nous nous reverrons certainement, nous sommes voisines. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, je m'en remettrai. Thank you. entendre la fantaisie en fa mineur de Schubert. Tu l'as lu? Je sais plus où me mettre. Tout le monde peut se tromper. Bah, elle s'appelait Eliane. Je vois pas le rapport. Comme ton ethnologue. Alors forcément. Oh. N'essaie pas de rationaliser. Je te fais des scènes. Je t'emmerde. Oui. Pourquoi tu restes avec moi? Parce que j'ai de l'obstination. Si on considère le mariage comme une réaction chimique, l'expérience est réussie au moment où... où la tendresse affleure. Doch liebe Mutter, offen will ich sagen. T'apprends l'allemand pour ton émission? Quelle conscience professionnelle. Non. C'est un poème que j'ai entendu un jour. En ta présence si douce, si confiante, mère chérie. Vachement sentimentale. Pas de nouvelles. Tu veux dîner? Ah, je dirais pas non. Je suis montée voir Marcel. Mmh. Je lui ai dit que Consuelo revenait. Ah oui. Elle revient? Non. Enfin. Oh, pas dans la poubelle. Alors, l'exil intérieur. Tu trouves que j'ai eu raison? De quoi? Elle devenait un peu encombrante, tu trouves pas? Tu pouvais pas la supporter. Moi? Je vais pas passer ma vie à écouter ces histoires de rhumatisme. J'en ai à foutre, moi, de la gamelle à son pitou. Tu trouves pas? Ah, si, si, si. J'ai peut-être été trop gentille, surtout au début. J'ai peut-être dit des choses qui dépassaient ma pensée, c'est vrai. Mais c'était pour l'aider. Je voulais la consoler, elle était dans un tel état, si tu l'avais vue dans cette mansarde. Elle me faisait tellement de peine à pleurer, là, toute seule. Non, oui. Toi, oui, tu trouves que j'aurais dû la garder? Mais non! Je ne pouvais plus! Je ne pouvais plus! Là, j'ai peut-être été un peu brutale. Et comment faire autrement? Je sais bien que c'est triste de n'avoir personne à qui parler, de passer sa vie à nettoyer la saleté des autres. C'est affreux de penser qu'elle n'a personne au monde, que le reste de sa vie... Non mais reprends-la! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Geneviève? Enfin, personne t'a demandé de la mettre à la porte. Je m'en arrête de ramener comme ça, j'en supplie, mon chéri. Oui, allô? Le docteur Forestier. N'inquiétez pas. Yes. Une dame. Allô? Oui, lui-même. Alors oui, que se passe-t-il? Ce soir? Oh, je regrette, c'est impossible. Bon, je ne pense pas que votre état nécessite une visite à cette heure-ci. Bon, alors. Bon, vous allez prendre un calmant, vous allez passer une bonne nuit, puis demain, vous venez me voir à mon cabinet comme convenu. D'accord. C'est ça, bonsoir. C'est une malade. Est-ce que je te demande quelque chose? J'aime le peuple, mais je l'aime à distance. J'ai toujours combattu pour l'émancipation du peuple, c'était la grande affaire de ma vie. Cependant, dans les plus chaleureux moments de mes luttes, j'évitais le moindre contact avec les masses. Tu vois, il n'y a pas que moi.